barboine, à qui l'aime d'euros. Cynique, n'est pour jamais lâcher, jusqu'au bout ma mère. N'est pour jamais lâcher, à qui s'est devancé les trains. Quand la France t'étrangle, on les trente pour défoncer les trains. Oublie l'école, j'en décédé, je vais en perdre. Ça fait un bout de temps que j'ai décidé de ne plus en perdre. Oups merde, j'ai mis mon schlaf dans la gendarme. Et comme l'argentard, je n'ai plus de place dans la gendarme. Oui ma mère, dans mes rêves, mon BM est toute option. J'ai sous mes pneus, deux, trois poucaves qui disaient tout en pion. En petit acquis, pour compter ne mettez pas 5 ans. Jamais je touchais les billets, qui n'étaient pas de 5 ans. La vie c'est un contrôle, un contrôle. Je sais que Dieu menace, je suis venu à poil dans ce monde. Faut pas quitter avec des menottes, car on évite tout ça de sang. Quand le feu vire au vert, donc c'est vite over quand t'as du sang sur le pullover. Et ouais mon frère, moi, j'irai jusqu'au bout. Seul au milieu de la mer, ou dans la mer jusqu'au cou. Les Unis Illis, pas moins cynique. Hey yo, levez les bras, c'est un braquage, pas un concert. Des fourrailleurs de petits cons, voit l'oseille, petit conseil. Train de bigouteux, hardcore dans l'écouteur. La vie éterne, l'architecte n'utilise pas les feux de grand couleur. Laisse-moi buter les chachas, 2004 c'est moderne. Bientôt la cocaïne sera téléchargeable. Des coups de bottin pour éviter de laisser des traces. Le commissaire est une bédale, son épouse une pétasse. Le hall fait mes bacs, la rue fait mes sons. Producteur de délinquants, la haine est un produit fait maison. Défoncez fortement, quand certains potes me manquent. J'ai baisé la justice, mon avocat demande l'avortement. Il fait gris, y'a de l'orage, c'est horrible. On nique Chuck Norris, les Unis zone à haut risque. C'est les malheurs d'un bédaveur, la vie t'en coule, la NPE recherche des maîtres nageurs. Rien à foutre de la flicaille, les gueux j'te mitraille. Représente la capitale, appelle-moi S.I.N.I. Kamikaze. Rap. J'aime la vie et j'irai jusqu'au bout. Je suis un môme, pas unique au monde, unique mou. Merci Nico, mais la vie m'a charmé. Donc je vais m'acharner et me charnir pour mon but, prêt à arracher les charlets. J'ai la rage de vivre, la rage intérieure. Dans l'existence, je suis au zéro et j'irai pas à l'étage inférieur. Heureux, courageux, mais pas téméraire. Trop de pépines, vite trop. Dans ma tête, je mate le rétro. Un œil derrière et un devant. J'ai pas de vin divin. Un jour, tu trouves, mec, ta femme sur divan. J'avale les obstacles, les hommes sacs et se tapent comme au stade. Faut mettre des points pour les stats. Si je veux faire 100 mètres, on peut pas barrer la roue. J'aime pas le 100 mètres, me force pas à avoir les mains roues. Ouais mon rôle jusqu'au bout, M2RO à contrôler mon rôle. Faire que ma vie même soit pas mon rôle. Jusqu'au bout de ce titre, jusqu'au bout du mal si c'est titre. On ira jusqu'au bout, cynique dit. Je tiens le bout, je ne suis pas un menteur. Pas besoin de dire, j'ai un bout et des battements de cœur. Jusqu'au bout de ce titre, jusqu'au bout du mal si c'est titre. On ira jusqu'au bout, cynique dit. Je suis pas un menteur. Pas besoin de dire, j'ai un bout et des battements de cœur. Jusqu'au bout de ce titre, jusqu'au bout du mal si c'est titre. On ira jusqu'au bout.